Chapitre 8e. À voleur, voleur et demi. Avec rage, il leva les mains au-dessus de sa tête. James Twill s'adressa au précurseur qui maintenant claquait des dents et tremblait sur ses maigres jambes. « Voulez-vous, sœur poète, lui dit-il, prendre le revolver que ce gentleman tient dans sa poche droite de son pantalon, derrière, sous le pan de l'habit ?»« Je n'ose pas, » balbutia Tim Souffray. « Si, si, osez. » « Allons, le gentleman se fatigue de tenir les bras en l'air comme ça. Allons, ce revolver !» Tim Souffray, tout tremblant, fit comme le lui demandait James Twill. « Prenez dans la poche intérieure de l'habit un portefeuille, » dit encore l'Américain. « Prenez, prenez !» Le gentleman voulut protester, se défendre. L'Américain sourit et approcha un peu plus le revolver. « Bon, » fit l'Américain. « Maintenant, chère sœur poète, veuillez fouiller dans le gilet à gauche. Ici, dedans. Entre le gilet et le plastron de la chemise, il y a un poignard. Prenez-le. » Tim Souffray fouilla dans le gilet du gentleman, tout en s'excusant, en lui demandant infiniment pardon. « Bon, » fit James Will, « mon cher poète, veuillez passer tous ces souvenirs dans la poche de mon habit. » Le poète obéit encore. « Très bien, » fit l'Américain en riant. « Vous avez une main habile, sœur Souffray. « Si la poésie ne marche pas, veuillez me trouver à mon lycée de Pickpockets. Je ferai de vous quelqu'un. » Puis il dit au gentleman, « Maintenant, vous pouvez abaisser les mains. Excusez-moi de vous avoir forcé à les tenir si longtemps en l'air. » S'adressant à la baronne, « Madame, voulez-vous prier ce gentleman et moi de nous asseoir ainsi que vous et le sœur poète ?» Quand on se fut assis, l'Américain demanda au gentleman, « Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite ?» Le gentleman, au lieu de répondre en paroles, se mit à faire des gestes, des signes, que James Twill regardait curieusement, mais dont il ne comprenait pas la signification. « Seriez-vous par hasard, lui demanda-t-il, devenu tout à coup muet ?» Le gentleman se pencha vers l'Américain et, presque à l'oreille, lui murmura « Zygomar ». James Twill alors s'écria fort enthousiasmé « Oh, vous êtes Zygomar ?» La baronne, le poète, à ce nom, tremblèrent de tous leurs membres. Qui n'eût tremblé se trouvant en face de Zygomar ? Zygomar, le fameux bandit, le chef de la terrible bande des Z qui pille avec tant d'audace, qui commettait des crimes terribles. « Oh, vous êtes Zygomar !» reprit l'Américain. « Mes sincères compliments. Nous avons entendu beaucoup parler de vous en Amérique. Je crois que vous y avez installé quelques comptoirs, des succursales. » Mais le gentleman alors se décida à parler. Il s'exprima en anglais le plus pur. « Hé là !» s'écria James Will. « Pourquoi ne pas parler tout de suite? Au moins nous allons comprendre. » Et se tournant vers la baronne, il demanda « Comprenez-vous l'anglais? Non? C'est regrettable. Enfin, je vous demande pardon de parler devant vous une langue étrangère, mais c'est plus commode pour traiter l'affaire avec cet honorable gentleman. D'ailleurs, madame, quand il sera question de vous, je vous le ferai connaître. » La conversation reprit très vite en anglais. James Twill, tout en parlant, tenait un de ses revolvers à la main et ne quittait pas des yeux son interlocuteur. « Parlez maintenant, je vous écoute. » « Tout à l'heure, dit le gentleman, j'ai lancé le nom de Zygomar entre nous parce que j'ai reconnu à quelle sorte de gentleman j'avais affaire, et je pensais que le nom de cet illustre chef pourrait créer entre nous un lien dont je serais très heureux. Vous êtes Zygomar. Point, nul n'est Zygomar. Alors, aucun homme ne peut se vanter d'être Zygomar, parce que Zygomar est la force invisible qui commande, qui agit, à qui on obéit, qu'on sert, pour qui on se dévoue. Alors vous êtes ici pour Zygomar? Oui. Moi j'y suis pour mon compte, fit James Twill, pour mon compte à moi. Zygomar a la toute-puissance. Je ne suis pas si bien fourni. Mais je ne me tire pas trop mal de mes petites opérations, comme vous le voyez. Et j'ai par là, tout près, quelques camarades qui me secondent et ne se plaignent pas trop de leur sort non plus. Vous avez eu la même idée que Zygomar. Cela prouve qu'elle était bonne. De vous emparer des bijoux de cette dame. Yes, j'ai essayé pendant le bal. Cela ne m'a pas été possible. Je l'ai suivi ici. Vous êtes arrivé au bon moment. Je le regrette, croyez-le bien, mais... ce sont les hasards de la profession. Qu'allons-nous faire? Étant le premier occupant, je pourrais, comme c'est l'usage en Amérique, vous prier de déguerpir. Mais par égard pour votre chef Zigomar, qui est en vérité un maître à qui je rends hommage, vous allez me céder la place? Ah, pas à ce point-là. Vous ne sauriez l'exiger. Alors, nous allons jouer le collier de madame. Comment le jouer? Parfaitement. Celui qui aura perdu se retirera. Ça va-t-il? Ça va. À quel jeu? James Twill appela en Tim Souffray. Sœur poète, avez-vous un dollar? Rassurez-vous, je vous le rendrai. C'est pour jouer à pile ou face. Mais le gentleman de la bande de Zigomar s'écria. Pardon, mon cher. L'enjeu est trop élevé pour que nous le risquions ainsi au hasard sur un seul coup. Il faut défendre sa chance. À coup de revolver? Non. Je connais assez la maison, je sais qu'il y a dans cette table un jeu de cartes. De cartes? Oh, alors ça va. Un bridge? Ce serait peut-être un peu long, puis cela doit se passer entre nous deux. Nous allons jouer le collier à l'écarté. À l'écarté, soit. Prenez les cartes. Le gentleman se leva, alla à la table, tournant le dos à l'Américain. Il fouilla rapidement dans le tiroir. Et il glissa dans sa poche le revolver dont tout à l'heure James Twill avait fait la découverte et vanté la qualité. Pendant ce temps, James Twill allumait un nouveau cigare devant la cheminée et tournait le dos au gentleman. Le gentleman alors apporta la table au milieu de la pièce, l'ouvrit et jeta sur le tapis vert les cartes en éventail. James Twill s'assit en face du gentleman, mais il braqua brusquement sur lui son revolver. « Avant de commencer, veuillez déposer à terre le revolver que vous venez de glisser dans votre poche. Mais inutile de chercher à nier, j'ai vu. » Il indiqua la glace devant laquelle il allumait son cigare à l'instant. Et il montra qu'en face, au mur, se trouvait accroché, en plan incliné, un médaillon Louis XV, qui précisément reflétait le coin de la table où se trouvait le tiroir contenant le revolver. James Twill l'avait donc très aisément suivi les moindres mouvements de son partenaire. Si j'avais de la place, dit-il, je mettrais encore cette arme dans une de mes poches, mais elles sont pleines. J'ai deux revolvers à moi, un à vous, un poignard. Je ne peux me transformer en arsenal. Donc, déposez celui-ci à terre. Le gentleman dut s'exécuter. Il posa le revolver à terre. Aussitôt, James Twill donna un coup de pied et envoya l'arme au loin, jusque sous le canapé sur lequel la baronne et le poète précurseur, depuis le commencement de cette scène, se tenaient assis anxieusement. En voyant l'arme venir jusqu'à eux, le poète et la baronne poussèrent des cris d'effroi. La baronne, voulant lever ses pieds gras, roula du canapé à terre, et Antim Souffray éleva si haut ses jambes maigres qu'il renversa un petit meuble rempli de porcelaine et de statuettes en biscuits. Puis il s'employa de toutes ses forces à relever la baronne et à la remettre sur le canapé qui gémit. Pendant ce temps, sans s'occuper d'eux, les deux gentlemen commençaient leur partie sérieusement, silencieusement. James Twill tenait toujours son revolver à portée de sa main pour prévenir toute tentative de lutte ou de surprise de la part de son partenaire. La partie s'engagea. Au bout d'un moment, James Twill abattit ses cartes. « J'ai perdu, » dit-il simplement. « Zigomar a gagné. Entre bandits, il faut être honnête. » « Je me retire et vous félicite. » Il se leva et salua la baronne. « Madame, j'ai le regret de ne pas garder de vous ce joli souvenir. Mon heureux confrère va avoir l'honneur de vous présenter ses hommages. Je vous salue. » Il s'en alla, marchant à reculons, saluant. Puis il ouvrit la porte et vivement sortit en coup de vent. Quand il fut hors de la pièce, le gentleman, qui était demeuré raide et impassible devant la table de jeu, se précipita à terre devant le canapé, le bouscula, fit rouler de l'autre côté le malheureux Antim Souffray et ramassa le revolver qui se trouvait sous le meuble. « Ah, on n'échappe pas à Zigomar si facilement » s'écria-t-il. Le revolver au poing, il se précipita sur la porte, l'ouvrit vivement et entra dans l'antichambre au moment où James Twill venait d'ouvrir la porte de sortie. « Vous voulez me dire quelque chose ?» demanda très calme l'Américain en s'arrêtant. Oui, voilà, voilà de la part de Zigomar. Il visa en pleine figure James Twill et fit feu. Le chien s'abattit 6 fois, fit entendre le bruit sec de la batterie, mais aucun coup ne partit. L'arme est très bonne, fit très froidement l'Américain. Je le savais, je l'ai essayé déjà. Je pourrai plus tard essayer aussi les cartouches, je les ai dans ma poche. » Il tira une bouffée de son cigare et, tranquillement, il s'en alla. Le gentleman, déconfit, furieux, revint dans le petit salon dans lequel se trouvaient de plus en plus affolés le poète et la baronne. La baronne Vancambre attendait la venue du gentleman comme celle de l'exécuteur. Elle sentait qu'elle n'avait plus même la force de tenter la moindre résistance, la plus petite opposition. Le gentleman vint à elle, essayant de se dominer, de cacher son mécontentement et surtout voulant en finir au plus vite. Il lui dit « Veuillez, madame, me remettre votre collier. » La baronne déjà le dégrafait, elle le tendit au gentleman qui le prit en remerciant. « Vous êtes libre maintenant de vous retirer. Monsieur Souffret, soyez assez aimable de reconduire, madame, à qui il tarde certainement de se trouver chez elle, de se remettre un peu de toutes ses émotions. » La baronne prit le bras du précurseur et l'entraîna. Mais sur le pas de la porte, le gentleman la rappela. « Madame, madame, ce collier est bien le vôtre. C'est votre fameux collier de diamants. »« Dame, oui. Vous en êtes sûr. C'est bien celui que vous aviez au bal. Certainement, je n'en ai pas de pareil. On n'en a pas de rechange sur soi. Cependant, voyons, ce collier, c'est extraordinaire. Est-ce que James Twill n'a pas essayé de vous l'enlever ?»« Si. » Il l'avait même mis dans sa poche. Et il vous l'a remis au cou quand vous êtes entré. Le gentleman s'écria « Voilà, voilà la clé, voilà, tout s'explique, il nous a roulé. » « Comment cela ?»« Mais madame, James Twill a emporté votre vrai collier, la rivière de diamants, et l'a remplacé par celle-ci. »« Alors, celle-ci, c'est du faux. »